L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Éric Simon. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas un instrument de Philae qui vient de déterminer la composition isotopique de l'eau de la comète Churyumov-Gerasimenko, mais un instrument d'analyse embarqué sur Rosetta, la sonde principale qui tourne autour de la comète. Cet instrument est un spectromètre de masse appelé Rosina DFMS, Rosetta Orbiter Sensor for Ion and Neutral Analysis, Double Focusing Mass Spectrometer. Cet instrument permet de dénombrer les différents isotopes, les types différents de noyaux d'atomes d'un même élément, en calculant des ratios, notamment pour l'hydrogène, le ratio D sur H, la quantité relative de deutérium par rapport à l'hydrogène. Le deutérium diffère de l'hydrogène normal par le fait que son noyau d'atome est deux fois plus lourd. Au lieu de ne comporter qu'un seul proton, le deutérium se compose d'un proton plus un neutron. L'eau qui comporte une grande quantité de deutérium en lieu et place de l'hydrogène au sein de la molécule H2O est ce qu'on appelle l'eau lourde. Le ratio D sur H est une signature de l'origine des molécules comportant de l'hydrogène. En effet, le deutérium ne peut pas être produit comme ça dans le milieu interstellaire. Il est produit soit lors de la nucléosynthèse primordiale dans les 3 premières minutes qui ont suivi la singularité initiale il y a 13,8 milliards d'années, ou bien lors d'une nucléosynthèse stellaire au cœur d'une étoile en train de fusionner son hydrogène. Ce que vient de montrer l'analyse de Rosina DFMS, c'est que l'eau de Shuri comporte 3,5 fois plus de deutérium, le ratio D sur H en fait, que ce qu'on a en moyenne dans l'eau de nos océans. Une seule mesure de ce type avait déjà pu être effectuée in situ auprès d'une comète, c'était dans la queue de la célèbre comète de Halley, autour de laquelle avait été envoyée la petite sonde européenne Giotto à la fin des années 80. La méthode appliquée par la sonde Rosetta et son spectromètre de masse Rosina DFMS est similaire. Il s'est agi de récupérer du gaz en provenance de la surface de Shuri, puis de l'analyser finement en pesant les molécules. Rosina a la possibilité de mesurer tous les rapports isotopiques dans l'eau indépendamment, D sur H, mais aussi les isotopes de l'oxygène, oxygène 17 sur oxygène 16 et O18 sur O16. Et Rosina est un capteur si sensible qu'il détecte le gaz émis par la sonde Rosetta elle-même, environ 1 million de molécules par centimètre cube, où on y trouve de l'eau, qui a un ratio D sur H de type terrestre, ainsi que des molécules organiques venant de l'hydrazine, le carburant de la sonde, et des résidus fluorés provenant de la graisse utilisée sur la sonde. C'est à partir de la première semaine du mois d'août 2014, quand Rosetta s'est rapprochée à moins de 100 km de la surface de la comète, que Rosina DFMS a pu entrer en action efficacement et détecter les molécules d'eau venant vraiment de la comète. Les résultats obtenus par l'équipe internationale exploitant Rosina, dont un nombre important de chercheurs français, pour les rapports des différents isotopes de l'eau, sont publiés aujourd'hui donc en ligne dans la revue Science. Les valeurs obtenues sont les suivantes. Alors, D sur H, on a donc 0,00053, hein, 5,3 × 10⁴ en d'autres termes. Pour le rapport O17 sur O16, on a donc une valeur de 3,7 × 10⁴. Et le rapport O18 sur O16, 1,8 × 10�³. Alors, pour comparer différentes teneurs en isotopes d'hydrogène, on utilise généralement une référence qui est le ratio D sur H de la nébuleuse protosolaire, qui est évaluée d'une part par des mesures sur l'atmosphère de Jupiter et d'autre part sur la photosphère du Soleil. Cette valeur de référence de D sur H est appelée D sur H PSN, PSN signifiant protosolar nebula. Et elle vaut D sur H PSN 2,1 × 10⁵, valeur très proche du ratio D sur H du milieu interstellaire hors du système solaire. La plupart des objets du système solaire sont en fait enrichis en deutérium. Leur ratio D sur H est plus élevé que D sur H PSN. Les objets du système solaire interne, comme la Terre, la Lune ou des météorites, sur lesquels le ratio D sur H a pu être mesuré, montrent une valeur environ 6 fois plus forte que la référence de la nébuleuse protosolaire. Ce facteur, par rapport à la référence, est ce que les astrophysiciens appellent le facteur d'enrichissement. Il est noté F. Le facteur d'enrichissement pour la Terre vaut 7,1. Mais pour toutes les comètes qui ont pu être analysées, ce facteur est situé entre 10 et 20. Et la nouvelle valeur de Churyumov-Gerasimenko vient poser de nouvelles questions, avec un facteur d'enrichissement plus fort que toutes les autres, de 25,2. Cette valeur est plus élevée que ce que l'on a pu déterminer pour différents types de comètes, venant du nuage d'Oort comme Halley, ou de la ceinture de Kuiper comme la famille des comètes joviennes, comme Chury. Les modèles de formation du système solaire prédisent comment le deutérium au sein des molécules d'eau peut se concentrer en fonction de la distance du Soleil, par des mécanismes physico-chimiques de volatilisation et recondensation. Ces mécanismes permettent de produire des modifications de teneur isotopique avec une ségrégation des isotopes lourds par rapport aux légers. Mais même s'il se confirme qu'il existe bien une augmentation du ratio D sur H avec la distance du Soleil, qui est expliquée par le modèle, en revanche, cette nouvelle mesure sur Chury amène les auteurs à conclure que, comme le ratio D sur H des comètes de la famille jovienne apparaît très hétérogène et peut varier considérablement, il est beaucoup plus probable que l'eau terrestre, ainsi que notre atmosphère, proviennent d'astéroïdes plus proches de la Terre à l'époque, que de ces lointaines comètes aux origines très diverses. L'article est donc paru en ligne sur Science pas plus tard que le 10 décembre 2014 et s'intitule Churyumov-Gerasimenko, a Jupiter family comet with a high D-H ratio par Atveg et ses collègues. À très bientôt sur Ça se passe là-haut.